Perpétuer hip hop, ainsi que ses traditions. Pour ça, fallait que le message passe, qu'il passe en rotation. Mes trêves dépassées par la réalité. En vérité, mon rêve ne s'est jamais réalisé. Jamais. Trop de piges passées, il est trop tard pour reculer. C'est pour terre quand tu peux faire, j'ai un mental d'assassin. C'est le rap d'arrivé, dans ma tête tout a basculé. C'était l'opportunité ou jamais de pouvoir m'exprimer. Extériorisé, sur papier toutes ces pensées. Trop de choses à raconter qui pouvaient me soulager. J'étais comme attiré par ce moment très engagé. Que j'ai très vite adopté, sans trop de difficultés. Le dilemme c'était d'écrire ou d'être un monsieur Shakespeare. J'ai plus mon mal en patience, travailler dur avant d'agir. Malgré les souffrances, malgré le manque de chance, malgré l'horreur, malgré la peur, les douleurs et les rancœurs. Malgré que la vie nous a rarement souri. Malgré les tempêtes, les nuages et les intempéries. Malgré nos poches vides, malgré nos premières rides. Malgré nos paradoxes, malgré que rien n'est la pire. Frère, reste fier de porter la bannière. C'est le tu peux lire le pourquoi de notre guerre. Combien de fois j'ai failli lâcher l'affaire. Envisager, poser les armes et puis me taire. Pour me consacrer à ce que j'ai mieux à faire. Comme tous les gens t'as fait pour gagner un salaire. Assumer mon rôle de père et un jour fallait s'y faire. Quand sa mère m'a laissé seul, j'ai connu l'enfer. Trop de questions, dépression, cachons et somnifères. Si j'ai pas lâché l'affaire, c'est grâce à mon compère. Passons une vie de famille, c'est ça qu'il faut concilier. Avec tous les dilemmes, je te jure mon frère c'est pas gagné. J'ai rien lâché, je me suis toujours accroché. Malgré les petits cailloux qui sont devenus des rochers. Tu sais c'est pas la vie qui nous a ramené du fric. Y'a des gosses à nourrir, donc forcément y'a un hic. T'as fait pour manger, tu comprends c'est pas magique. Mais j'ai œuvré de toutes mes tripes pour le gros morceau chronique. Malgré les souffrances, malgré le manque de chance, malgré l'horreur, malgré la peur, les douleurs et les rancœurs. Malgré que la vie nous a rarement souri. Malgré les tempêtes, les nuages et les intempéries. Malgré nos poches vides, malgré nos premières rides. Malgré nos paradoxes, malgré que rien n'est la pire. Frère, reste fier de porter la bannière. C'est le tu peux lire le pourquoi de notre guerre. Malgré que sur nous, ça bat toujours la poisse. Parmi toutes nos rencontres, je peux plus compter le nombre de crasses. Le nombre de casses et le nombre de coups de pute. Je croyais faire d'artistique, je m'attendais pas à faire de la lutte. Combien faut faire et combien faut s'espoir. 10 personnes dans nos concerts, mais on tient toujours la barre. Malgré tous ces scuds que j'ai jamais vendus, la morsure reste intacte car on n'est pas défendu. Et ouais, ça fait plus de 10 ans, on est toujours dans le mouvement. Et face à tout ce moment tendu, entendre des malentendus, on a su remercier tous les gens qu'on a connus. Qu'on fait quand on court, on va plus. Malgré les atomes crochus, malgré les caprices de la vie et tous ces imprévus, on a su garder la tête haute et la paix, c'est la perte des nôtres. Malgré tout positif, même si tous les jours c'est pas le kiff, on remercie notre entourage, cette force qui nous encourage. Malgré les souffrances, malgré le manque de chance, malgré l'horreur, malgré la peur, les douleurs et les rancœurs. Malgré que la vie nous a rarement souri. Malgré les tempêtes, les nuages et les intempéries. Malgré nos poches vides, malgré nos premières rides. Malgré nos paradoxes, malgré que rien n'est la pire. Frère, reste fier de porter la bannière. C'est le tu peux lire le pourquoi de notre guerre. Malgré les souffrances, malgré le manque de chance, malgré l'horreur, malgré la peur, les douleurs et les rancœurs. Malgré que la vie nous a rarement souri. Malgré les tempêtes, les nuages et les intempéries. Malgré nos poches vides, malgré nos premières rides. Malgré nos paradoxes, malgré que rien n'est la pire. Frère, reste fier de porter la bannière. C'est le tu peux lire le pourquoi de notre guerre. Malgré les souffrances, malgré le manque de chance, malgré l'horreur, malgré la peur, les douleurs et les rancœurs. Malgré que la vie nous a rarement souri. Malgré les tempêtes, les nuages et les intempéries. Malgré nos poches vides, malgré nos premières rides. Malgré nos paradoxes, malgré que rien n'est la pire. Frère, reste fier de porter la bannière. C'est le tu peux lire le pourquoi de notre guerre.